Paris, Paris. On arrive en club et c'est fini. Le voiturier est choqué. C'est tout que R ou tout que H de Zef. A du chat, Houston, t'as les caries. Soir ceux tu t'es fait bonne. Tu sais qu'on est frais. Arrête ton charme bouffonne. 9-4 bonhomme. On a 2-3-4, catastrophe, contre-attaque. Hamdoullah, je suis du 9-4, déménage pas pour garder les plaques, goûte mes claques. C'est pas la même puissance de frappe, des putains de flots en vrac. Même si on va tous les frac quand je rappe. Tu me chauffes comme quand je te braque. Ton hardcore se fait découper comme un carry en Irak. T'es qu'une pute qui rappe, tu sautes comme une puce pirate. Je t'apprends à péra, t'as cru que t'allais faire quoi avec ton flow de pérave. Des bars, des bars, des mensonges barbares. Dans ton bar ou dans ton barbac, on compte pas sur les airbags, demande à Lito. On arrive vers l'avenir en faisant des tonneaux, c'est le flow du loto. Sans pire sans ghetto, Marie, si je perds mes cheveux, je fais ce que je veux, tu sais ce que je vaux. Chante en 450 et 600 chevaux. Poteau, parole de bonhomme qu'on tire qu'une fois. Parce que d'une, on est économe, et deux, on ne vit qu'une fois. We be hustling in them streets. Lots of bees out on me. Can't stop repping the block. Forever we, cause I can't sleep. I'm dead 6 feet deep. 6 feet lay deep. Lay me down for free. Souvent critiqué par les trafiquants, je viens éradiquer, possédant l'intouchable habité. Je suis habilité à foutre dans le mille handec. Je garde la street crédibilité, je suis strict présent pour les miens. Assieds-toi donc et prends ça comme une risque. Sois témoin du style qu'un prix. Les mecs hostiles toujours armés d'un Uzi. J'ai besoin que d'une mi-temps pour concrétiser. Je baisse mes opposants, pure banalité. Je trouve ça reposant d'être terrifié, c'est vérifiant. Travaille au versif, plan bien pour vérifier. Équipé de mes gants, je lève le camp, cap pour édifier. Toutes les sanctions possibles, militants. Reste de mon côté, je viens démonter, remonter les putes qu'on voulu me surmonter. Je suis détesté, contesté, même les fous ont attesté que je méritais l'or en MC, viens pas tester. Accusé à tort au parquet, reconnu au supermarché. Cousin, j'ai connu des macs, vu trop de sacs de plaques, plein à craquer. We be hustling in them streets. Lots of bees out on me, out on can't stop prepping the block. Forever we build, I can't sleep. I'm dead 6 feet deep, 6 feet lay deep. Me down for free. Check intouchable, le groupe, tiens le regard, tourne la presse. Tiens le tue entre deux chaises, quand je me pose les bouffes en stèse. Je suis venu marquer l'histoire, sans Oscar et sans César. Y'a pas de lézard, de toute façon on est très char, mis à l'écart. Dans le pire des chars, je peux compter sur les dates chez moi, hein, les gars. Les mecs qui vivent dans les vœux de chars, et qui t'allument pour avant ça. Et avant ça, j'ai fait mes classes, à l'époque du 2001. Qu'on tapait sur le bitume, on disait ramène les thunes. Ok mon crew, le plus fort, à la chaîne gros on tape fort. On démonte comme à l'usine, des feux arrière au tableau bord. J'suis pas là pour m'amuser, clip pas, ton plan tombe. Gars, 3 balles dans ton foie, à tes blessures tu succombas. Hey yo, c'est démon la mafia, la voix qui fait trembler le sol. En espèce, pas par la somme, un bon conseil, ramène du sol. Sois intouchable, tu peux pas test. Reconnu dans toutes les tests, ça c'était une parenthèse. On fera pas toujours un 16. We be hustling in them streets. Lots of bees out on me, out on can't me. Stop prepping the block. Forever we build, I can't sleep. I'm dead 6 feet deep, 6 feet lay deep. Lay me down for free. L'avenir se joue à la moindre accroche, c'est moche. Intouchable, ce que R, ce que H, ce que Z, Houston.